Thierry. Toi la Thierry. Qu'on va ciseler les yeux. Cochon poule mine. Cochon poule. Cassé par un. Cassé par un affreux. Pièce par pièce. Pièce par pièce. Accumuler l'argent. Accumuler l'argent. Soit la sagesse. Soit la sagesse. Passer au présent. Passer au présent. Voilà Thierry, ok tu penses, okay.